Chapitre 20. Départ pour les steppes des Kirghizes Kaïsak. Leur administration. Sacrifice du bouc. Course de chevaux. À peine installé à Sarepta, je reçus une nouvelle invitation de la part du gouverneur général d'Astrakhan pour me rendre dans les steppes habitées par les Kirghizes Kaïsak. Note. Kirghiz signifie 40 filles. D'après une tradition fabuleuse, cette peuplade descend d'un chien rouge et de 40 filles. Les Kirghizes Kaïsak, établis définitivement dans le gouvernement d'Astrakhan au commencement de ce siècle, se sont souvent révoltés contre l'autorité russe. Leur dernière rébellion date de 1870. Fin de note. Mon excursion chez les Kalmouks, curieuse à tant de titres et intéressante à tant d'égards, m'ayant donné un aperçu de la vie de ces nomades, je saisis avec empressement l'occasion qui m'était offerte de m'initier aussi au mode d'existence des Kirghizes, race totalement différente de celle de ces bouddhistes. Profitant donc du passage d'un bateau à vapeur, je revins à Astrakhan par le Volga. Le lendemain de mon arrivée, je me mis aussitôt en route pour ma seconde excursion dans les steppes. Cette fois, j'étais accompagné d'un employé de la chancellerie du gouverneur général et d'un interprète. Nous quittâmes Astrakhan dans une calèche attelée de deux chevaux fringants. Après avoir parcouru quelques verstes, nous vîmes venir à nous un tarantas traîné par deux chameaux envoyé à notre rencontre d'un campement voisin. Note, tarantas, voiture sans ressort, dont la caisse repose sur 8 pièces de frêne. Fin de note. On ne s'aventure jamais dans les steppes avec une bonne voiture à ressort, car le long du trajet, on ne trouverait personne pour la réparer en cas d'accident, les forgerons étant inconnus dans ces immenses solitudes. Comme ouvrage de carrosserie, ce tarantas était d'un degré supérieur à la télègue qui m'avait conduite au rouroule des Lamaïtes. Ce véhicule était pourvu d'un soufflet, d'un garde-crotte, d'un marchepied, d'un tablier de cuir et de rideaux pour nous préserver de la poussière. Muni de tout ce qu'il fallait à notre confort, nous avions de nombreux colis qui, entassés dans la caisse du tarantas, bourrés de paille, recouverts de coussins et de couvertures, nous servirent de banquette. L'attelage nouveau pour moi me causa une sensation étrange. J'eus peine à m'habituer au pas des chameaux, balançant notre voiture comme un berceau qu'on remue. Le cocher, un Kirghize, se faisait parfaitement comprendre des bêtes. Elles changeaient d'allure chaque fois qu'il poussait certains cris auxquels elles répondaient dans leur langage camélin. La marche des chameaux ne ressemble guère à un galop effréné. Ils mettent une demi-heure pour faire un kilomètre. Deux autres Kirghizes occupaient le siège du tarantas. Ces hommes nous furent d'un grand secours. Lorsque les chameaux, refusant d'avancer, s'agenouillaient en poussant des cris aigus à force de coups de fouet, ils parvenaient à les relever. Dans cette lutte contre l'obstination des bêtes, la volonté de l'homme eut beaucoup de peine à triompher, car à peine un chameau était-il debout que l'autre s'accroupissait de nouveau. Bien des fois aussi, tous les deux s'agenouillaient en même temps. Enfin, ils finirent par marcher. Partis d'Astrakhan à l'aube, nous atteignîmes au milieu du jour le premier aoul sur la route. Campement de nomades qui changent d'emplacement selon les pâturages et l'eau qu'ils trouvent. Note, aoul en tatar veut dire village ou hameau. Note 2. Aux environs d'Astrakhan, on voit dans toutes les directions de ces nombreux campements. Notre arrivée ayant été annoncée, le starkina de l'aoul nous invita à nous reposer sous sa yourte, tente. Nous acceptâmes et il nous servit du thé. Note, starkina, mot russe qui signifie l'ancien du village. Fin de note. Les Kirghiz des steppes du gouvernement d'Astrakhan dépendent du gouverneur général de cette province. Ils n'ont pas de chef proprement dit de leur race, étant soumis à l'administration russe. Mais dans les affaires des communautés, ils sont administrés par des chefs pris parmi eux. Un fait curieux à constater est celui-ci. La Russie, qui a sous sa domination des possessions immenses dans l'Asie centrale, est aidée pour les régir presque exclusivement par les indigènes eux-mêmes, des musulmans hostiles à la religion de leurs conquérants. En jetant un coup d'œil sur une carte du centre de l'Asie, on peut se faire une idée de cette énorme étendue de pays qui, d'un côté, touche au mont Oural, de l'autre à Khiva, par conséquent à Boukhara et à la Chine. Dans tous ces steppes, il existe à peine quelques oasis habitées par les Ouzbeks, les Tadjiks sédentaires et les Sartes. Note, les Ouzbeks, hommes libres, de race turco-tatars, comme les Kirghiz Kaïsak, avaient le pouvoir en main avant l'arrivée des Russes dans leur steppe. Fiers de leur naissance, ils se disaient descendants de Tamerlan ou Temirlen, fer boiteux, nommé ainsi parce qu'il était boiteux et doué d'une force peu commune. Ce chef célèbre est enterré à Samarcande. Une pierre en jade noir de 2,5 mètres de longueur sur 20 cm d'épaisseur, couverte d'inscriptions kufiques, indique sa tombe. Fin de note. Note, Tadjik signifie couronné. Le pouvoir appartenait à cette race lorsqu'elle fut ainsi désignée. Parmi les Tadjiks, on recrute surtout les Mollahs. Fin de note. Note, les Sartes. Les Sartes sont de la même race que les Ouzbeks, tous les Kirghiz devenus sédentaires et qui habitent une ville où, quelle que soit la localité, sont nommés Sartes. Fin de note. Seule la province de Fergana possède une population compacte. Note, Fergana. La province de Fergana a été conquise du 8 au 20 février 1876 par les Russes. Fin de note. Tout le reste du pays est un immense désert. Dans ces vastes plaines, campent depuis un temps immémorial des Kirghiz, se transportant d'un lieu à un autre dès le commencement du printemps jusqu'au premier jour de l'hiver. Au premier abord, il paraît presque impossible de gouverner ce peuple, changeant si fréquemment de place. Cependant, il n'en est point ainsi, et pour maintenir l'ordre parmi ces populations sauvages, il ne faut relativement que du tact et de la justice. Être juste est le moyen infaillible de gagner la soumission du Kirghiz, simple, bon enfant et, dans une certaine mesure, fort honnête. Ces nomades forment des petites communautés composées de 10 à 15 familles. Leur nombre dépend des pâturages et de la richesse des sources à l'endroit où ils campent. Une agglomération de 100 à 200 yourtes se nomme Aoul. Ces hameaux portent le nom de la tribu qui s'y trouve. Plusieurs Aouls composés de 1000 à 2000 yourtes et comprenant des familles de diverses souches est appelé Volost. Note, Volost, terme employé par le gouvernement russe. L'administration des Kirghiz est composée, premièrement, du gérant d'un Volost, Min Pacha. Note, Min Pacha, mot tatar qui répond à chef d'un millier de personnes. Fin de note. Deuxièmement, du chef d'un aoul, Starkina. Troisièmement, d'un juge, Bi-I. Le gérant d'un volost est ordinairement choisi parmi les os blancs, c'est-à-dire d'une famille d'anciens fonctionnaires qui ne s'est jamais abaissée par une mésalliance avec une fille du peuple. Note, par os blanc, on désigne ceux qui appartiennent à la classe élevée. Les gens du peuple sont nommés os noirs. les blancs et les noirs répondent à noble émanant. Cette appellation date du temps où les Tatars gouvernaient le pays arrosé par le Volga, dont Ivan le Terrible se rendit maître. À cette époque, les mœurs tatars furent introduites à la cour moscovite et la distinction de blanc et de noir fut établie. Ce gérant, bien que sous la dépendance du chef du district, est le maître absolu de plusieurs milliers de personnes. À son gré, il inflige des punitions, des amendes, perçoit les impôts répartis selon son caprice dans la communauté et dépose cet argent à la caisse du district. Chargé du maintien de l'ordre, il pacifie les querelles et tranche les différends. Le gérant reçoit annuellement de 600 à 1000 roubles et perçoit le dixième sur les récoltes. Le Starkina a à peu près les mêmes attributions, mais beaucoup moins étendues. Il touche de 60 à 150 roubles par an, ainsi que la dixième part des récoltes faites par les habitants de la houle. Un juge n'est pas élu avant 25 ans et ne doit point avoir subi de condamnation. Il juge les procès selon les adates, coutumes des Kirghizes, et non d'après la loi russe. Quel que soit le délit ou le crime, on inflige toujours une amende en espèces au coupable. Un assassin est puni en payant une somme correspondant à sa fortune. Aussitôt qu'il a déposé cet argent, il n'est plus considéré criminel. Il lui est permis d'habiter la même localité en jouissant de tous ses droits d'électeur, mais il ne peut jamais être élu juge. Le BI ne reçoit pas d'honoraires, excepté le dixième sur les amendes qu'il fait payer au coupable. Aussi a-t-il soin de fixer la plus grosse somme possible. En cas de plainte contre les chefs, on fait une enquête et ils sont jugés par les indigènes. Si on les démet de leurs fonctions, d'autres sont élus. Il y a encore certains emplois payés par la communauté. Ainsi, ceux chargés de vacciner le peuple reçoivent une pension annuel. Note, la petite vérole fait beaucoup de ravages dans les steppes. Le nom même de cette maladie est maudit. Lorsqu'elle éclate dans un campement, on déménage en masse et souvent les varioleux sont laissés seuls, abandonnés à leur sort. Fin de note. Tous les 3 ans, l'administration du district possède aux élections des employés. Note, un district est généralement composé de 20 volosts. Fin de note. Le gérant d'un volost est élu par un suffrage restreint, c'est-à-dire que les électeurs sont choisis par leur mandataire. Le Starkina est élu par un vote général. Le chef du district est tenu de se présenter aux électeurs pour leur annoncer que le mandat de leurs administrateurs est expiré et qu'ils ont le droit de le renouveler ou d'en choisir d'autres. Il est rare que le Starkina conserve sa charge. Après s'être consulté, non sans discussion et vocifération, les électeurs proposent 2 ou 3 candidats. Ils votent, et celui qui a obtenu le plus de voix est nommé. Les candidats ont soin de se tenir à proximité de l'endroit dans les steppes où les élections ont lieu. Aussitôt élus, ils offrent aux électeurs un banquet dont ils se font rembourser les frais après être entrés en fonction. En guise de remerciement, ils organisent une fête nommée le sacrifice du bouc, à laquelle plusieurs milliers d'hommes assistent, les femmes en sont exclues. Voici en quoi consiste ce divertissement. Un grand nombre de cavaliers se divisent en 2 camps. Et se placent sur le terrain, vis-à-vis les uns des autres, à une distance de plusieurs centaines de pas. Un bouc vivant est amené devant eux. Après avoir égorgé l'animal, on lui coupe la tête et les jambes que l'on distribue aux pauvres qui ont préparé un brasier pour les rôtir. Ensuite, le corps mutilé est placé au milieu de la distance qui sépare les deux camps. À un signal donné, les combattants se jettent sur ces restes sanglants. Si l'un d'eux parvient à s'en emparer, il tâche de les présenter à l'organisateur de la fête et lance aussitôt son cheval hors de la foule qui se précipite pour lui enlever son trophée. Toute la ruse et l'agilité du cavalier sont mises en jeu pour s'échapper avec le prix de son triomphe. S'il réussit, il doit galoper plusieurs fois autour du public qui l'acclame avec enthousiasme. On égorge plusieurs boucs. Chaque fois, le même spectacle recommence. Souvent, ces bêtes ne sont pas les seuls holocaustes sacrifiés pour la lutte. Fréquemment, les combattants tombent mutilés, victimes de leur ardeur. Différents prix sont donnés aux vainqueurs. Celui qui s'empare d'un bouc reçoit un caftan de laine. S'il s'empare de deux, on lui donne un de ses surtouts mis soie. Pour trois, il gagne un caftan de soie. S'il en prend quatre, le surtout est de velours uni. Enfin, pour cinq boucs, on offre au vainqueur un caftan de velours brodé d'or et d'argent. Il est rare que le même cavalier gagne ses cinq prix. Pour complément de la fête, du sacrifice du bouc, il y a des courses de chevaux, baïga. La distance à parcourir est de 50 verstes. Note, dans les baïga, les cavaliers franchissent facilement plus de 10 km en un quart d'heure, plus de 20 en une demi-heure. Fin de note. Des gardes sont postés sur tout le parcours pour veiller à ce que les cavaliers ne changent pas de monture. La foule est rassemblée à l'endroit où les prix au nombre de 10 sont distribués aux vainqueurs. Le premier prix comprend un chameau blanc, deux chameaux ordinaires et deux chevaux. Le second consiste en 5 chameaux à une seule bosse, 2 à 2 bosses et 2 chevaux. Pour le troisième, on a 4 chevaux et 2 bœufs. Le quatrième, 3 chevaux et 1 vache. Le cinquième, 2 chevaux et 1 vache. Le sixième, 1 cheval, 1 bœuf et 2 moutons. Le septième, 1 cheval et 1 vache. Le huitième, 1 vache et 6 moutons. Le neuvième, 1 vache et 2 moutons. Le dixième, 10 moutons, très maigres. Après la distribution des prix, un repas est offert. Note, outre ces fêtes qui ont lieu tous les 3 ans au renouvellement des élections, on en organise souvent, soit par cotisation, soit aux frais de quelques riches personnages. La valeur des prix dépend alors des organisateurs. Il y a quelques années, le Khan Koudayar offrit comme prix une belle esclave persane qui échut à son frère Mourad Beg. Fin de note. Pendant notre halte chez le Starkinal de Laoul, je vis passer des cavaliers se rendant à une baïga à 100 verstes de l'endroit où nous étions. Ils nous engagèrent à les suivre, mais au pas de notre attelage, il eût fallu 200 heures, c'est-à-dire plus de 8 jours, en marchant jour et nuit sans s'arrêter, pour arriver au lieu des courses. Nous renonçâmes à cette fatigante partie de plaisir et nous nous mîmes en route, prenant une autre direction. Fin du chapitre 20.